À Montmartre, un petit poule beau faisait pipi le cul à l'air en bonne tradition séculaire. Vint à passer un gougnafier, venu par le funiculaire à cause de douleurs musculaires. Malgré son mal vésiculaire, ses rhumatismes articulaires et son âge crépusculaire, il trouva ça spectaculaire et regarda le petit poule beau faire pipi sur le réverbère. Bientôt les gens se bousculèrent, gesticulèrent et spéculèrent sur le temps que mettrait le poule beau. La longueur du folliculaire, plus petit que l'auriculaire ou organe tentaculaire. Malgré le temps caniculaire, jamais les badauds reculèrent, et tout le jour, ils calculèrent les angles de la perpendiculaire, jetant des regards circulaires, ils voulurent imiter le poulebeau. Sur la butte, se véhiculèrent, se trouvèrent tous le cul à l'air, mais en moins de deux, se maculèrent. Des montmartrois articulèrent, quelques jurons et basculèrent dans leur langue vernaculaire. Depuis ce jour, inoculèrent l'art et la bonne manière de faire pipi le cul à l'air.